À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, est ouverte l'exposition nationale 2016 des œuvres littéraires, fiction et des maquettes des enfants, le 3 au Palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Lee Il-hwan, chef de département du comité central du Parti travail de Corée, les permanents de l'Union de la jeunesse, les jeunes et enfants de Pyongyang. La présente exposition a exposé plus de 310 meilleures œuvres littéraires fiction, maquettes et programmes des élèves du pays. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont fait le tour de l'exposition.